Donne-moi toutes tes douleurs, donne-moi toutes tes colères. Je saurai apaiser ton cœur, je pourrai camoufler tes peurs. Donne-moi toutes tes souffrances, donne-moi toute ta méfiance. J'encaisserai tout ce que tu penses, tu peux me donner toute ta confiance. Tu le sais, tu le sais, tu peux compter sur moi. Maintenant tu n'es plus seule et je veux que tu penses à nous. Tu te tais, tu te tais, tu encaisses tous les coups. Sans m'en dire un mot, je te verrai jamais à genoux. Tu l'as fait, tu l'as fait, t'as remonté la pente. Ils ont voulu ta chute, ils ont fait que te descendre. T'es un vrai, t'es mon homme, t'es mon roi. Je suis à toi, t'es à moi, je serai là pour te défendre. T'as perdu du temps, mais on va le rattraper. Je n'étais pas là, maintenant je vais m'adapter. Donne-moi toutes tes douleurs, donne-moi toutes tes colères. Je saurai apaiser ton cœur, je pourrai camoufler tes peurs. Donne-moi toutes tes souffrances, donne-moi toute ta méfiance. Je serai tout ce que tu penses, tu peux me donner toute ta confiance. Fais pas le têtu, toi et moi c'est la même. Ce qui te tue, ça me tue, s'il te plaît, s'il te plaît. Je connais ton vécu et tout ce qui s'est passé. T'en veux plus, t'en veux plus. Moi je rêve, j'ai des étoiles plein les yeux. Tu illumines ma vie comme la lune éclaire les cieux. Mon roi, je te donnerai des princes. Si Dieu veut, je fais ce vœu. T'as perdu du temps, mais on va le rattraper. Je n'étais pas là, maintenant je vais m'adapter. Donne-moi toutes tes douleurs, donne-moi toutes tes colères. Je saurai apaiser ton cœur, je pourrai camoufler tes peurs. Donne-moi toutes tes souffrances, donne-moi toute ta méfiance. Je laisserai tout ce que tu penses, tu peux me donner toute ta confiance. Plus jamais, jamais seul. Plus jamais, jamais seul. Plus jamais, jamais. Tu seras plus jamais, jamais seul. Plus jamais, jamais seul. Plus jamais, jamais seul. Plus jamais, jamais. Donne-moi toutes tes douleurs.